Sur des tapis volants, sur des tapis volants, on veut nous embarquer. Le rouge servi sur l'échiquier. diesel raffiné, il n'y en a plus en Alsace de nos jours. Tristesse, hyper vitesse, trading. Même en Alsace, conséquence. Existentielle conséquence. grâce au vent mauvais. Nous construisons des propositions. Je suis d'accord. My invisible committee, not just.